إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous avions rappelé le cours précédent qu'à la suite de l'entêtement de Pharaon et des Coptes et des agissements de ces derniers, Allah subhanahu wa ta'ala les accabla par des calamités successives, censées les pousser à se repentir et à se soumettre à Allah Jalla Jalal. La réalité est que ces signes d'Allah, savoir ces châtiments, ne leur furent d'aucune utilité. Ils s'enorgueillirent et persistèrent dans leur égard. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa grande sagesse, châtie des gens ici-bas, afin que ces derniers reviennent et réalisent ainsi leur injustice et leur transgression. Allah dit à cet effet: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. La sourate 6, les versets 42 à 44. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être ainsi imploreront-ils la miséricorde d'Allah. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de l'an sur toutes choses, c'est-à-dire l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. L'imam Sa'di, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a dit concernant ces versets: nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi, parmi les anciennes communautés, des premières générations. Ils traitèrent de menteurs nos messagers et contestèrent nos signes. Nous les avons alors saisis par l'adversité et la détresse, c'est-à-dire par la pauvreté, la maladie et les maux, M-A-U-X, les calamités, tout cela à titre de miséricorde de notre part. Peut-être imploreront-ils, c'est-à-dire reviendront-ils vers nous lors de cette rigueur. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci, tel de la pierre, ne se ramollissant nullement pour la vérité. Et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Ils pensaient être sur la vérité, et ils jouissaient dans leur égarement un laps de temps, Satan jouant avec leurs esprits. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de l'an sur toutes choses, des plaisirs de cette vie d'ici-bas, et de tout ce qui pousse la personne à l'insouciance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Désespérés de pouvoir à nouveau retrouver ces bienfaits dans lesquels ils étaient. Et cela est un des châtiments des plus durs, à savoir qu'ils furent saisis sans s'y attendre, sans préparation, alors qu'ils étaient insouciants et se sentant à l'abri. Fin de citation. Allah saisit les communautés infidèles par le châtiment pour deux raisons au moins. Premièrement, afin de les blâmer pour leur rejet de la vérité et leur transgression. Deuxièmement, afin d'honorer ses messagers en les assistant, et cela à la vue de leurs négateurs. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde, envoie un châtiment moindre dans un premier temps, afin de laisser l'opportunité aux gens de se repentir et de se soumettre aux injonctions divines. Et Allah nous rappelle cela dans de nombreux endroits du Coran, mais je me suffirai que d'un seul verset, qui est clair de sens. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. La sourate 32, le verset 21. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment afin qu'ils retournent. c'est-à-dire afin qu'ils retournent vers le droit chemin, afin qu'ils se repentent vers Allah, afin qu'ils reconnaissent leur tort et qu'ils se réforment et qu'ils se plient qu'Allah tabarak wa ta'ala leur envoie. C'est ce qui se passa avec Pharaon et les siens. Les occasions de se repentir et de revenir vers la vérité furent multiples, mais leurs cœurs furent voilés et ils en subirent les méfaits. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabarak wa ta'ala, a cité ensuite les versets coraniques de la sourate Az-Zukhruf. قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذ هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Sourate 43, les versets 46 à 56. Nous avons effectivement envoyé Moussa avec nos miracles à Pharaon et à ses notables. Il dit, je suis le messager du Seigneur de l'univers. Puis, lorsqu'il vint à eux avec nos miracles, voilà qu'ils en rirent. Chaque miracle que nous leur montrions était plus probant que son précédent. Et nous les saisîmes par le châtiment, peut-être reviendront-ils vers nous. Et ils dirent, ô magicien, s'adressant à Moussa, implore pour nous ton Seigneur au nom de l'engagement qu'il a pris envers toi. Nous suivrons le droit chemin. Puis, quand nous eûmes écarté de le châtiment, voilà qu'ils violèrent leurs engagements. Et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit, ô mon peuple, le royaume de Misr, c'est-à-dire d'Égypte, ne m'appartient-il pas, ainsi que ces fleuves et ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Ainsi, chercha-t-il à étourdir son peuple et ainsi lui obéir, car ils étaient des gens pervers. Puis, lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Nous fîmes d'eux un antécédent, et un exemple, c'est-à-dire une leçon pour la postérité. Allah mentionne l'envoi de son noble serviteur Moussa vers Pharaon, l'ignoble, le mécréant. Allah assista son messager par de nombreux signes évidents et clairs qui méritaient d'être acceptés avec respect et soumission et les faire revenir de la mécréance vers la vérité et la voie droite. Mais ils s'en rirent, ils s'en moquèrent, obstruèrent le chemin d'Allah et se détournèrent de la vérité. Allah leur envoya alors des signes visibles, les uns après les autres, comme nous l'avions mentionné dans le cours précédent, et chacun plus grand et plus éloquent que le précédent, car la confirmation doit être plus forte que ce qui la précède. Et nous les saisîmes par un châtiment, peut-être reviendront-ils vers nous. Ils répondirent à cela, ô magicien, implore pour nous ton Seigneur au nom de l'engagement qu'il a pris envers toi, nous suivrons le droit chemin. Le terme magicien n'était pas à leur époque un terme péjoratif ou une insulte, car leurs savants à cette époque étaient les magiciens. C'est pour ça qu'ils l'appelèrent ainsi, lorsqu'ils eurent besoin de lui, le supplièrent. Allah dit tabarak wa ta'ala, puis, quand nous eûmes dissipé les châtiments, voilà qu'ils trahirent leurs serments. Allah nous informe ici de la manière dont Pharaon se vanta de la grandeur et de la beauté de son royaume, de la multiplication des cours d'eau et des canaux qui dérivaient du Nil. Puis il se vanta de sa propre personne et de sa richesse, et méprisa dans le même temps le messager d'Allah, Moussa alayhi salatu wa salam, en se moquant de lui et en disant qu'il ne sait à peine s'exprimer, en raison de ses difficultés d'élocution. Or, pour Moussa, cela était au contraire un honneur, une perfection et une beauté, car cela n'empêcha pas qu'Allah s'adresse à lui sans intermédiaire, qu'il lui accorde sa révélation et lui révèle par la suite la Torah. Pharaon, qu'Allah le maudisse, méprisa Moussa parce qu'il ne portait ni bracelet ni parure. Or cela est le propre des femmes, et ne sait pas la virilité des hommes. et à plus forte raison aux envoyés qui sont les plus sages, les plus savants, les plus résolus, les plus ascètes et les plus instruits quant à ce qu'Allah a réservé à ses alliés dans l'au-delà. Pharaon dit, pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Mais la situation ne le nécessitait pas. Si le but par l'envoi des anges était qu'ils soient vénérés par ces derniers, alors ces mêmes anges se montrent respectueux et modestes devant des hommes occupant des rangs bien moindres que celui de Moussa alayhi salam. Comme cela est rapporté dans le hadith du prophète alayhi salam, les anges abaissent leurs ailes par humilité devant celui qui recherche la science, en signe de satisfaction de ce qu'il fait. Alors qu'en est-il de l'humilité des anges et leur respect à l'égard de Moussa, celui à qui Allah a parlé de vive voix? Et si le but par l'envoi des anges et qu'ils témoignent de la véracité de la prophétie de Moussa, alors les prodiges et les miracles par lesquels celui-ci a été soutenu suffisaient amplement aux gens doués d'intelligence qui cherchaient la vérité. Mais ces preuves et arguments échappent à celui qui s'occupe des choses secondaires, des épluchures, plutôt que du cœur des choses, c'est-à-dire de l'essentiel. Celui dont le Seigneur a scellé le cœur en raison de ce qu'il contient comme doute et confusion, comme ce fut le cas de Pharaon, le copte, l'aveugle et l'imposteur. Allah dit à Baraka wa ta'ala, ainsi, chercha-t-il à rabaisser, étourdir, influencer son peuple, et ainsi lui obéir-t-il. C'est-à-dire qu'il a essayé de les influencer et faire jouer de son autorité. Il a étourdi leurs esprits, influencé leurs esprits, et les amena progressivement à croire en sa prétention qu'il était Dieu. Car ils étaient des gens pervers, c'est-à-dire mécréants. Puis lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux. On constate ici que lorsque Pharaon usa de son autorité pour les faire plier à la croyance au fait qu'il était Dieu, son peuple lui obéirent. Tout simplement car ils étaient habitués à être sur sa religion. Et malgré le fait qu'ils avaient vu les signes de Moussa, cela était trop récent, trop neuf, pour que ceci puisse s'imprégner dans leur cœur. Rapidement, ils se sont pliés aux injonctions de Pharaon. C'est pour ceci qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, car ils étaient des gens pervers, c'est-à-dire des gens qui avaient passé toute leur vie dans la mécréance. Ils étaient encore sous l'influence de ce chef despote et tyran. Puis, lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux, par la noyade, l'humiliation, perte de la puissance, l'avilisme, le châtiment qui succéda au bienfait, l'ignominie qui suivit la prospérité, et l'enfer après les ans de cette vie d'ici-bas. Nous cherchons protection auprès d'Allah à l'immense, et de son pouvoir absolu contre cela. Puis Allah dit, nous fûmes d'eux un antécédent, c'est-à-dire pour ceux qui leur ressemblent, et un exemple, une leçon pour la postérité, c'est-à-dire pour les générations postérieures, ceux à qui leur récit est parvenu clairement, qui méditent sur ce qu'il est advenu d'eux, et redoute la fin douloureuse qui fut la leur. قال الله جل وعلا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. La sourate 28, verset 36 à 42. Puis quand Moussa vint à eux avec nos prodiges évidents, ils dirent, ce n'est là que magie inventée. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Et Moussa leur dit alors, mon Seigneur connaît mieux qui est venu de sa part avec la guidée, et à qui appartiendra la demeure finale, c'est-à-dire le paradis. Vraiment, les injustes ne réussiront pas. Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour Peut-être alors monterai-je jusqu'au dieu de Moussa. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent qu'il ne serait pas ramené vers nous. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. Nous fûmes deux des dirigeants qui appellent les gens au feu, et au jour de la résurrection, ils ne seront point secourus. Nous les fûmes suivre dans cette vie d'ici-bas d'une malédiction, et au jour de la résurrection, ils seront parmi les réprouvés et les honnis. Allah nous informe que lorsqu'ils s'enflèrent d'orgueil et refusèrent de suivre la vérité, que leur roi prétendit être Allah et que les gens l'approuvèrent et lui obéirent, la colère du Seigneur Tout-Puissant qu'on ne peut repousser ou empêcher s'intensifia. Il se vengea d'eux de la manière la plus dure. Il les noya, lui et ses armées, en une seule matinée, sans épargner une seule personne ou une seule demeure. Ils furent tous noyés et jetés en enfer. Et la malédiction les poursuivit dans ce monde et au jour de la résurrection, où ils seront au nombre des réprouvés. Quel affreux présent leur sera fait. Fin de citation de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabarak wa ta'ala. Voilà le sort destiné à toute personne qui, après que les preuves lui furent venues, persista dans l'égarement, qui persista dans son orgueil, dans son entêtement, dans le rejet de la vérité, telle est la fin de celui qui est ainsi. Allah tabarak wa ta'ala, comme nous l'avons annoncé au début du cours, avertit toujours un peuple en leur envoyant un messager, patientant avec eux, en leur laissant le temps, beaucoup de temps, pour se repentir. Mais lorsque ces derniers rejettent la vérité après que les preuves leur furent venues et exposées clairement, Allah, tabarak wa ta'ala, dans sa grande sagesse, décide de les châtier afin qu'ils soient un exemple et une leçon pour toute personne qui viendra méditer parmi les générations postérieures. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته